Le soupir, c'est un phénomène chez l'homme, c'est un phénomène d'anxiété chez l'homme. L'homme ne devrait pas soupirer. Un homme qui est heureux, un homme où tous les corps sont balancés, ne soupire Alors, le soupir indique toujours une tension vibratoire, il indique une anxiété, il indique un mal, il indique une tension, il indique une perte d'énergie au niveau du corps astral. Et plus l'homme se conscientise, plus ses corps deviennent sensibles, plus il est sujet au soupir. Donc, plus il est sujet à la mesure de son absence d'équilibre vibratoire, ou à la mesure de son absence de ce qu'il appelle le bonheur. Aussitôt que tu soupires, t'es pas heureux. Parce que le soupir indique toujours un débalancement entre le corps astral et le corps mental. Lorsque l'homme devient très, très conscient, lorsqu'il tend de plus en plus vers la fusion, lorsque ses corps sont très ajustés et que la vie est réellement parfaitement développée chez lui, il ne soupire plus. Presque plus. Il est toujours bien. La raison pour laquelle je veux développer la psychologie du soupir, c'est parce que le soupir, quand on est conscientisé, nous permet de mesurer la valeur réelle de notre bien-être contre la valeur illusoire de notre bien-être. Et quand on devient très, très sensible, très conscient, on a besoin, d'ailleurs, on est obligé de prendre conscience de la valeur réelle de notre bien-être contre la valeur illusoire de notre bien-être. Et le soupir, c'est la mesure de cette relativité-là. Le soupir, c'est un changement vibratoire créé soit par des conditions extérieures sur le corps astral ou soit par l'intérieur, par les modes de la pensée chez l'homme. Autrement dit, le soupir est créé par l'astral ou il est créé par l'extérieur, des conditions extérieures de l'homme. Et quand l'homme commence à devenir conscient de son soupir et qu'il est très, très sensible à son corps astral, il en vient à un point où il ne peut plus souffrir de soupirer. Autrement dit, il en vient à un point où il ne peut souffrir de mal respirer. Parce que soupirer, c'est mal respirer. C'est respirer à l'envers. Et comme il peut plus souffrir de mal respirer, automatiquement, il cherche à bien respirer. Automatiquement, il cherche à ne pas soupirer. Automatiquement, il cherche à avoir une respiration très, très naturelle, très lente. Qui, dans sa façon la plus relaxante, est retrouvée dans le sommeil. Dans le sommeil, on ne soupire pas. On respire très peu. Sur le plan matériel, quand on vit notre vie de tous les jours et qu'on est bombardé de l'extérieur et de l'intérieur et qu'on vit énormément de soupirs et qu'on se conscientise, on s'aperçoit de deux choses. Que le soupir devient la mesure de notre bien-être ou de notre faux bien-être. Il devient aussi le mécanisme, l'outil par lequel le mental ajuste les conditions de vie pour que le soupir disparaisse. Donc, quand on devient très, très sensible et qu'on soupire, on regarde et on voit et on sait pourquoi on soupire et on élimine la tension qui le crée. Et ça, c'est une des premières armes de l'homme conscient, supramental, contre la déchéance du corps matériel, ce que vous appelez la maladie. Un homme qui ne soupire pas ne peut pas devenir malade. Parce qu'un homme qui ne soupire pas n'emploie pas d'énergie astrale pour nourrir de fausses émotions, pour nourrir de l'inquiétude, pour nourrir de l'anxiété, ainsi de suite. Mais ça, c'est parce qu'il est suffisamment mental pour comprendre, il a suffisamment de volonté pour éliminer de sa vie ce qui le fait soupirer. Donc, il élimine petit à petit de sa vie les mille et un éléments, les mille et un ennuis qui créent ce soupir, qui change la qualité de son corps astral et qui éventuellement affecte son corps éthérique, donc son état de santé physique. Il ne s'agit pas pour l'homme de faire des exercices de soupir. Il peut le faire. Il y a des écoles qui enseignent ça. Le point est pour l'homme de réaliser quand il se conscientise qu'il soupire quand il soupire. Il y a beaucoup de gens qui soupirent et qui ne réalisent pas qu'ils soupirent. Et l'homme devrait être conscient éventuellement que chaque fois qu'il soupire, qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré dans sa vie. Ça peut être une pensée qui rentre, ça peut être une situation extérieure qui est créée. Et automatiquement, s'il ne prend pas conscience du soupir quand il le vit, il perd conscience mentale. Et il développe conscience astrale. Donc, il perd de l'énergie au lieu d'en acquérir. Si l'homme devient conscient du soupir quand il le vit, automatiquement, il ajuste son corps astral au corps mental et éventuellement, ça se fait automatiquement, le soupir disparaît et disparaît et disparaît. Développer la centricité, comme je l'ai déjà expliqué, sur le plan matériel, sur le plan physique, sur le plan des organes, ça équivaut à ne plus soupirer. Quand tu es très, très centrique, tu ne soupires plus. Ta mère à meurt, ça ne change rien dans ta respiration. Si ta mère meurt, ça change ta respiration, mais tu perds de l'énergie. T'astralises ton intelligence. Tu deviens un petit peu plus malade. Si tu es très émotif, très astral, tu peux tomber en dépression. Et regardez les gens qui ont des dépressions, les gens qui ont souffert des dépressions, les gens qui vivent de ce que j'appelle de la peine tout le temps, sont constamment dans un état de soupir. Et quand ça va trop loin, il y en arrive à un point où ils courent après leur souffle. Et courir après son souffle, c'est un état d'anxiété interne qui peut être psychique ou psychologique et qui fait en sorte que l'individu n'est pas balancé dans ses corps. Si c'est psychique, éventuellement, ça s'ajuste. Souvent, chez les enfants, on court après notre souffle. Mais souvent, chez les adultes, on court après notre souffle parce qu'il y a un état émotionnel qui débalance les centres. Donc, le soupir est toujours là et il se manifeste constamment. Il y a des gens qui soupirent tellement qu'aussitôt que tu leur dis quelque chose, ils soupirent. Ils sont toujours dans un état de tension. Tu leur parles. Ils sont pas capables même d'absorber la parole d'une personne sans soupirer. Là, je touche d'un petit peu plus près. Et quand on se conscientise et qu'on devient très, très mental et qu'on devient très, très conscient de l'énergie du corps astral, et qu'on est en communication avec les gens, c'est très, très facile aux gens de nous faire soupirer. Et c'est très facile automatiquement pour nous de perdre de l'énergie. C'est pour ça qu'on n'aime pas parler avec des gens qui ne sont pas conscients. Parce qu'on a tendance à soupirer avec des gens qui sont inconscients. Tandis qu'avec des gens qui sont conscients, on soupire moins. Donc, c'est plus plaisant. Mais d'un autre côté, ça nous force à ne parler qu'à des gens qui sont conscients. Et c'est pas bon parce que l'homme doit parler à tout le monde. Quitte à réaliser quand il commence à trop soupirer, parce qu'il parle à des gens inconscients, que c'est temps de partir. Autrement dit, quand tu es conscient, c'est le temps de partir, c'est quand tu commences à soupirer trop. Si tu soupires pas, à ce moment-là, tu peux rester plus longtemps à parler avec ta belle-mère. Mais aussitôt que tu commences à trop soupirer, là, il faut que tu parles. Si tu ne pars pas, mais là, tu désénergises astralement, puis éventuellement, tu viens fatigué, puis tu perds de l'énergie. Vous appelez ça, vous avez été écœuré. Ne plus être capable d'en prendre. Quand on se conscientise, on devient plus centrique. Fait qu'automatiquement, le corps mental est plus puissant. Donc, il a une plus grande liberté, le corps mental. Et le corps astral le suit. Donc, l'homme est capable de survivre à une condition de soupir intense. À une condition où le soupir serait énormément affluent dans une rencontre avec une personne inconsciente. Mais même si l'homme est très, très mental, éventuellement, il va commencer à soupirer. Parce qu'éventuellement, le soupir, qui est une forme de relaxation astrale de l'âme, devient une tension astrale de l'âme. Alors, le soupir a deux fonctions. Une, de relaxer la tension. Et quand tu es relaxé la tension, c'est l'autre mécanisme qui entre en jeu, c'est d'en créer une tension. Tu vois quelque chose de très beau, par exemple, tu peux soupirer pour relaxer la tension. Parce que c'est trop beau. Puis si tu parles avec ta belle-mère trop longtemps, tu vas soupirer, pas parce que c'est trop beau ce qu'elle dit, mais parce que c'est un petit peu trop que tes nerfs. Fait que si tu restes là, puis tu l'écoutes ta belle-mère parce que tu as des principes, là tu te rends malade. Si tu restes chez eux, mais là c'est pire. C'est fini. Il y a déjà une couple qui se marie. Puis qui décide, parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils décident d'aller vivre chez la belle-mère pour une couple de semaines. Mais ça finit que c'est une couple de mois. Des fois, c'est une couple d'années. Puis au bout d'une couple d'années, là, tu t'aperçois que le couple, là, suit tout le temps. Puis éventuellement, ils sont plus capables d'en prendre, là. Là, le gars, il se décide de trouver un appartement, puis il sort de là. Quand un homme se conscientise, il cherche à être bien dans sa peau. C'est-à-dire qu'il cherche à être pas heureux, mais bien dans sa peau. Bien dans sa peau, ça veut dire que le mental, l'émotionnel, tout est ajusté. Tout va bien dans sa vie. Pas de problème, non pas. Et il devient comme un chien de garde vis-à-vis de lui-même. Il en arrive à un point, là, que là, il devient un chien de garde. Il garde sa vie. Il se garde de se méprendre. Tout le temps. Et aussitôt qu'il se fait prendre, ou qu'il y a une situation extérieure ou intérieure qui se manifeste, où il y a un soupir de créer, il souffre. Parce que quand tu es bien conscient, ta souffrance devient la mesure de ton soupir. Quand tu es inconscient, tu ne réalises pas ça. Tu soupires tout le temps. Mais quand tu es bien, bien conscient, l'équilibre de tes gaz, c'est un peu comme l'équilibre sur un lac. Il n'y a pas de vague. C'est quand il n'y a pas de vague que tu es bien. Mais aussitôt qu'il y a une petite vague sur la surface du lac, c'est un soupir, tu souffres. Et l'homme qui se conscientisera découvrira les secrets de ceci, du soupir, et il deviendra extrêmement habile à dénicher les moindres situations de vie, extérieures ou intérieures, qui créent en lui le souffle, qui créent automatiquement la souffrance. La souffrance de l'homme conscient n'est pas aussi brutale ou n'est pas aussi évidente que la souffrance de l'homme inconscient. Elle est beaucoup plus subtile, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus réelle. Et s'il ne réalise pas, et s'il ne fait pas attention à son soupir, qui soit créé soit par l'ajusteur pensée, qui ajuste son corps mental et son corps astral, ou soit par des entités astrales, ou soit par des paroles venant de l'extérieur, il souffrira. Le soupir, c'est la domination astrale. C'est la domination astrale sur la vie de l'homme. Quand je vous dis qu'un homme qui ne soupire pas ne peut pas être malheureux, ça vous donne un exemple, une idée. Le soupir, c'est la manifestation biologique pulmonaire de la domination sur l'homme de la vie. À tout ce qui, dans la vie, peut dominer l'homme, puis lui enlever de la liberté, se manifeste biologiquement, pulmonairement, en tant qu'un soupir. Et même si ça vous apparaît abstrait aujourd'hui, la psychologie du soupir, un jour, ça ne deviendra plus une psychologie du soupir, ça deviendra une conscience du soupir. Vous serez constamment conscient de votre soupir. La réalisation du soupir chez l'individu, quand il se conscientise, quand il se sensibilise, devient tellement grande qu'il est obligé de vivre sa vie selon son soupir. Alors, autant l'homme vit sa vie psychologiquement quand il est inconscient, autant l'homme qui est inconscient, qui ne peut plus penser à un certain point, vit sa vie selon son soupir. Et si son soupir est bon, c'est-à-dire que s'il ne soupire pas, sa vie est juste, correcte. La mesure de l'homme conscient, la mesure de l'équilibre de ses corps est indiquée dans ceci, est indiquée dans cet état biologique pulmonaire. Et éventuellement, son esprit devient tellement raffiné que son esprit est capable de saisir, de réaliser le moindre soupir possible. Et éventuellement, il s'aperçoit que le soupir, dans son essence la plus fondamentale, dans son état le plus fondamental, c'est un discours entre l'esprit de l'homme et son ego. Si le discours entre l'esprit de l'homme et l'ego est égal, est équilibré, il n'y a pas de soupir. Si le discours entre l'esprit et l'ego est moindrement troublé, il y a du soupir. Donc, éventuellement, l'homme vit constamment dans son esprit parce qu'il vit constamment en dehors de l'inconscience de son soupir. Je dis en dehors de l'inconscience de son soupir au lieu de dire à l'intérieur de la conscience de son soupir, parce que c'est quand il vit à l'extérieur de l'inconscience de son soupir qu'il en souffre. Quand il vit à l'intérieur de la conscience de son soupir, il en bénéficie si éventuellement il en arrive à neutraliser toutes les conditions qui créent le soupir. La psychologie du souper, c'est très, très occulte. Dans ce sens que la psychologie du soupir fait partie de la conscientisation des corps symétriques de l'homme, qu'on appelle les corps planétaires. Donc, le mental et l'émotionnel, et effectivement le vital, et éventuellement le physique. Le soupir est la mesure de l'enregistrement dans l'homme de la présence de son esprit non affecté par l'astral. Lorsque l'homme sera suffisamment conscientisé pour prendre possession de son corps, de son double, il se servira de son esprit pour complètement neutraliser son soupir. Et quand l'homme neutralisera à volonté son soupir, à ce moment-là, il pourra sortir de son corps matériel. C'est ce que font les gens qui font des exercices pour aller dans l'astral. Ils essaient de contrôler leur soupir. Mais l'homme conscient le fait d'une autre façon. C'est que c'est plus son ego qui contrôle le soupir, c'est l'esprit qui le contrôle. Mais pour que l'esprit puisse contrôler le soupir au lieu de l'ego, il faut que l'ego soit très très conscient de l'esprit, donc que l'ego soit très conscient du soupir, donc que l'ego soit conscient de l'événement qui déséquilibre le soupir ou qui le crée. Pour que l'ego prenne conscience de la présence de l'esprit en lui, pour que l'ego soit en suffisance d'esprit tout le temps et jamais amoindri dans cette présence-là. Donc, totalement bien dans sa peau. Autrement dit, ce qui crée le déséquilibre des corps chez l'homme, c'est que l'homme n'est pas toujours conscient de son esprit. Il est un petit peu conscient de son esprit, mais il est beaucoup conscient de son ego. Donc, étant beaucoup conscient de son ego au niveau mental et émotionnel, il vit le soupir. Donc, le soupir, c'est inversement proportionnel à la présence de l'esprit. Quand tu es totalement présent à ton esprit, tu ne soupires plus. Tu respires, mais tu ne soupires plus. Quand l'homme s'endort le soir et perd conscience, sa respiration change. Il soupire, soupire plus. Si moindrement dans l'astral, il y a des chocs, il y a des expériences difficiles, là, il va soupirer. Et le soupir qu'il vit inconsciemment représente un combat quelconque dans l'astral. Alors, si l'homme est capable de vivre le soupir sur le plan matériel, et qu'il est capable de vivre le soupir quand il est en astral, l'homme a un grand chemin à faire avant de ne plus connaître le soupir pour être dans l'éther. Parce que l'homme ne peut pas avoir de soupir quand il est dans l'éther. Parce que le soupir, c'est une forme d'inconscience. C'est une forme de souffrance. C'est une forme d'anxiété. C'est une forme de recours à une énergie inférieure. C'est une forme de domination. C'est une forme d'incapacité de liberté. Et ça représente une ultime domination de l'astral sur l'homme. Un homme qui prend conscience de son soupir dans la vie tous les jours sera toujours capable de maintenir le statu quo, l'équilibre, entre son mental et son corps émotionnel. Autrement dit, il forcera toujours le développement de sa volonté. Vous donne un exemple. Vous allez chez votre belle-mère, ça parle du baseball, de bien Molson. Là, vous soupirez. Ça crée de la tension. Si vous êtes capable de vivre la tension et de perdre votre soupir, vous développez de la volonté automatiquement. Une volonté qui est réelle. Parce que le soupir est incapable de forcer l'homme à être équilibré. La seule chose qui peut amener l'homme à être équilibré dans une situation de tension, c'est sa volonté. Et la volonté ne peut pas être créée par le corps astral. Donc, si l'homme est capable de prendre conscience de son soupir dans cette situation, il diminue le magnétisme de sa personnalité pour augmenter le magnétisme de son corps éthérique. Et après un certain temps, il y a un rythme là-dedans qui se crée. Puis après un certain temps, il y a une autre vibration qui entre en jeu. Il va revenir au niveau de sa personnalité, puis il va fonctionner. Puis ensuite, le même mécanisme peut recommencer encore. Je vous l'explique graphiquement. Vous autres, vous allez expliquer ça comme ça, vous allez dire, oh, bon, je suis allé sur un party, c'était plate, puis tout d'un coup, c'était le fun. C'était plate. Puis là, il y a une petite période entre le plate puis le changement de cycle. Là, tu ne sais pas quoi faire de ton corps, tu vas aux toilettes, tu vas pisser, tu vas manger. Tu sais pas quoi faire, c'est plate. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'énergie. Parce qu'il y a un changement dans l'éther qui doit se faire. Il y a une autre créativité qui doit venir en jeu. Peut-être que la belle-mère va dire, viens-t'en, Jean-Paul, on va jouer une partie de cartes. Tout revient au normal. Puis il y a un autre éther dans le party. Puis il peut y avoir des changements comme ça 3 4 fois dans une soirée. Parce qu'en général, les parties, ça reste pas de même tout le temps. Il y a des hauts, puis des bas, puis des hauts, puis des bas, puis des hauts, puis des bas, jusqu'à temps qu'il y a tellement de boissons que ça aigne des hauts. Mais si t'es à jeun, là, il y a des hauts, puis des bas, puis il y a des hauts, puis des bas. Puis dans le fond, il devrait avoir rien que ça. Tu rentres à 7h30, puis tu devrais être capable de rester jusqu'à 4h de même. Mais si tu es capable de faire ça, faut que tu sois avec des gens qui puissent le faire. Si tu es capable de vivre ça avec des gens pendant des heures de temps, mais l'énergie monte, elle monte, elle monte, elle monte, puis tu vois plus d'heures, puis éventuellement, il est 5 heures du matin, puis tu te dis, maudit, il est tard. Il n'y a pas de soupir. Autrement dit, il n'y a pas de perte d'énergie. Autrement dit, il n'y a pas de tristesse dans l'esprit. Et le soupir crée de la tristesse dans l'esprit parce que le soupir empêche l'esprit d'être manifeste dans sa plénitude. Autrement dit, le soupir empêche l'homme d'être bien dans sa peau tout le long, tout le long, tout le long, tout le long, tout le long du party. Ou tout le long de la journée, ou tout le long de la semaine, ou tout le long de l'année. Alors, ce qui crée le haut et le bas dans la vie de l'homme, c'est le soupir. Il y a un lien entre le haut et le bas dans la vie de l'homme avec le soupir. C'est tellement important, le soupir, que quand tu te conscientises, tu t'aperçois, quand tu es dans le corps matériel, que c'est la seule chose qui trouble ta vie, le soupir. Et que si tu ne soupires pas, tu ne penses pas à rien. Quand tu soupires pas, tu penses pas à rien. C'est impossible de penser quand tu ne peux plus soupirer. C'est pour ça que l'homme qui ne peut plus soupirer ne peut plus recevoir de pensée, parce que pour recevoir de la pensée, il faut avoir une certaine énergie. Et cette énergie-là est directement liée au soupir. La preuve, c'est que quand vous recevez une pensée négative ou une pensée troublante, il y a un soupir qui se fait. Un va avec l'autre. Quand tu n'es plus capable de soupirer, tu n'es plus capable de recevoir de pensée comme ça. Quand tu n'es plus capable de recevoir de pensée comme ça, tu ne peux plus soupirer. Tu es toujours de même. C'est au fur et à mesure que l'homme développe une très grande sensibilité dans le corps mental et dans le corps astral, qu'il s'aperçoit que le soupir, c'est à la vie planétaire. Ce que l'absence de soupir est à la vie cosmique. Le soupir est à la matière, ce que son absence est à l'éther. Mais pour l'homme de vivre sans soupir, c'est difficile parce que l'homme est structuré psychologiquement. Donc, il est obligé, pendant qu'il est inconscient ou pendant qu'il se conscientise, il est obligé d'avoir l'impression d'être heureux. Il est obligé d'avoir quelque chose dans sa vie qui le rend heureux. Mais aussitôt qu'il est obligé d'avoir quelque chose dans la vie qui le rend heureux, il est obligé aussi d'avoir dans sa vie quelque chose qui le rend malheureux. Parce que tu ne peux pas être heureux sans être malheureux. Pour être heureux, il faut que tu sois malheureux. Parce que dans les deux cas, il y a du soupir. C'est quand tu ne peux plus être heureux que tu ne peux plus être malheureux. À ce moment-là, tu ne soupires plus. Mais pour l'homme, c'est difficile, ça, parce que l'homme est encore attaché à la matière, est encore attaché à la forme, parce que l'homme se sert encore de sa personnalité pour mesurer la valeur de ce qui peut le rendre heureux. Et tant que l'homme va chercher une valeur de ce qui peut le rendre heureux, il va être obligé de soupirer parce que c'est le prix qu'il doit payer, ça, pour posséder ce qu'on appelle le souffle de l'âme. Et le souffle de l'âme, c'est ce qui donne à l'homme la capacité d'être heureux ou malheureux. Le souffle de l'âme, c'est une qualité de l'involution qui fait partie des hauts et des bas de la vie, qui colore la vie ou qui la déteint, et qui est conçue chez l'homme comme la vie. C'est ça, la vie. On chante ça des chansons. C'est la vie de même. La vie est haute, la vie est basse. Mais l'homme qui se conscientise n'est pas intéressé à la vie de même. L'homme qui se conscientise n'est pas intéressé au souffle de l'âme parce que le souffle de l'âme ne peut lui faire prendre conscience que d'émotions qui sont astrales, ou le souffle de l'âme peut lui faire prendre conscience de plans qui sont astraux, mais le souffle de l'âme ne peut pas lui faire prendre conscience de l'éther. Donc, s'il ne prend pas conscience de l'éther d'une façon subliminale quand il vit, autrement dit, s'il ne peut pas commencer à vivre en dehors du soupir quand il est dans la matière, il ne peut pas se préparer aux états de conscience qui relève de la conscience éthérique. C'est pour ça que les gens qui se conscientisent ou qui se conscientiseront dans le monde découvriront un principe universel dans la transmutation, c'est que quelque part dans la vie, ils seront amenés à vivre une vie qui est plate. Pourquoi? Parce que le phénomène de la vie plate, qu'on n'avait pas avant, parce qu'avant on soupirait. Avant, on soupirait tout le temps. Fait que quand on soupirait en positif, on allait au théâtre, on buvait du gin. Puis quand on était malheureux et qu'on soupirait plus, on se couchait ou on pleurait. Mais l'homme qui sort de ça, qui se conscientise, qui commence à vivre la mutation, automatiquement subit une transmutation du corps astral qui fait qu'automatiquement, sa vie est aplatie, est aplanie, est rendue plus plate qu'elle n'a jamais été. C'est écœurant. Dans quoi est-ce qu'il nous a foutu, lui, Bernard de Montréal? T'sais? Puis ça n'a pas à faire avec vous, en fait. C'est parce que vous en savez trop que ça se produit. Il y a le truc. Fait qu'automatiquement, éventuellement, tu trouves ça tellement plate que tu développes une très grande conscience du soupir. Parce qu'avant, vous n'aviez pas la conscience du soupir. Vous viviez le soupir biologiquement. Quand tu te conscientises, tu prends conscience du soupir. Mais pour prendre conscience du soupir, il faut que ta vie soit bien plate. À ce moment-là, il n'y a plus de distraction. C'est la distraction dans le monde occidental qui rend l'homme, qui fait perdre à l'homme sa conscience du soupir. Puis c'est pour ça que les orientaux ont raison quand ils parlent de l'importance de la respiration. Les écoles ésotériques orientales, le calme, ainsi de suite, la méditation. Mais ça, c'est pas une réponse finale. Parce qu'on vit au 20e siècle. On vit au 20e siècle avec des avions puis des télévisions. On vit dans une société hautement technologique, technique. Alors, on peut pas être assis comme des légumes, t'sais, aux commandes d'un avion. Faut qu'on fonctionne. Alors, faut qu'on apprenne à ne pas soupirer, même dans l'action la plus rapide. Autrement dit, l'homme occidental doit apprendre à ne pas soupirer, autrement dit, à être dans un état de concentration mentale tout le temps, même s'il y a énormément d'activité dans sa vie. Et ce qui lui permettra ça, c'est l'effondrement des caractéristiques naturelles de son corps astral qui lui ont créé dans son inconscience le haut et le bas de la vie, le bonheur et le malheur. Mais dans cette expérience-là, il trouve ça très plate parce que dans cette expérience-là, le corps astral ne peut plus fonctionner comme avant. Parce qu'au niveau mental, l'homme sait trop de choses. Donc, automatiquement, le corps astral n'a plus la puissance illusoire qu'il avait avant de donner conscience au mental d'une façon qui est illusive. Donc, automatiquement, le mental, lui qui enregistre les impulsions astrales qui sont de moins en moins puissantes, de moins en moins colorées, trouve la vie de plus en plus plate. Et quand l'homme commence à trouver la vie plate, c'est un bon signe. Parce que quand il commence à trouver la vie plate, il commence à soupirer plus. Et quand il commence à soupirer plus, il commence à prendre conscience du soupir. Puis après ça, vient la renaissance de sa conscience, c'est-à-dire que revient la conscientisation, l'activité créative, l'activité normale, la vie avec un soupir plus conscientisé, puis éventuellement le contrôle des événements de vie lorsque le soupir se manifeste alors. L'homme ne peut pas contrôler les événements de vie s'il n'en arrive pas à réaliser l'événement qui crée dans sa vie le soupir. Alors, le moindre événement, qu'il soit vibratoire, qu'il soit extérieur. Le moindre événement qui débalance ou qui crée le soupir, qui est le débalancement de la corrélation du commentaire, le moindre événement, éventuellement, fait partie de la conscience de l'homme, l'homme le corrige, l'homme élimine le soupir, l'homme est bien dans sa peau. Mais pour que ceci se fasse, il faut que l'homme connaisse d'abord la période aride de sa conscientisation, qui est la période où il perd une certaine énergie astrale, le goût qu'il avait avant. Il peut plus être folâtre comme il était avant. Il peut plus même faire l'amour comme il faisait avant. Tout a changé. C'est plus le même train-train. Après ça, ça se replace. Puis là, peut-être qu'il va faire l'amour comme il n'a jamais fait d'avant. On verra. Pourquoi l'importance du soupir? Parce que quand l'homme devient conscient de son soupir, quand je parle de la conscience du soupir, là, je parle pas des méthodes là, qui vous rendent conscient du soupir au niveau de l'ego. Je parle pas de ça. Je parle de l'homme conscient, je parle pas de l'homme spirituel. Quand l'homme devient conscient du soupir, il attire vers lui, dans ses corps, subtils, certaines énergies, très fines, très raffinées, qui créent dans son mental, dans son astral, dans son éther, une sorte de renforcement. Autrement dit, il en arrive à être capable de vivre de la grande solitude de son esprit. C'est pour ça que c'est si important de soupir. L'homme qui se conscientise en arrive un jour à vivre dans la solitude de son esprit, autrement dit, arrive à vivre dans son intelligence tout le temps. Il vit tout le temps dans son intelligence. Il ne vit jamais dans l'astral. L'astral n'est qu'un support matériel de vie pour son intelligence. Mais il vit toujours dans son intelligence, il vit toujours dans son esprit. Et pour que l'homme vive toujours dans son esprit, il faut qu'il soit constamment conscient du soupir, parce que le soupir astralise sa conscience. Ça, c'est une des raisons pourquoi les sports, sont pas bons pour l'homme. Parce que les sports créent dans l'homme un rythme anormal, un rythme accéléré, qui bénéficie musculairement l'homme, les organes de l'homme, mais qui tue sa conscience. Le sport bénéficie le corps matériel, ajuste le corps astral, mais tue la conscience. Les seuls sports, si vous voulez, les seules activités sportives qui augmentent la conscience de l'homme, ce sont les arts martiaux. Puis les arts martiaux, tels qu'ils sont enseignés dans le monde occidental, ne sont pas des arts martiaux. Puis les quelques maîtres qui enseignent les arts martiaux sont cachés quelque part. Je vous dis pas ça pour vous empêcher de faire du football. Moi, je vous explique comment ça marche. Un jour, vous comprendrez que ça marche même, parce qu'un jour, vous... Si vous faites des sports, ça ne sera plus des sports, ça sera des activités sportives. Puis il y a une maudite différence entre les deux. Très grande différence entre les deux. Il n'y a pas de violence dans l'activité sportive. Dans les sports, il y en a. C'est trop. Mais je ne veux pas m'éloigner trop du sujet. J'emploie le terme de la psychologie du soupir, parce qu'il faut bien que j'emploie des termes pour parler et pour expliquer ce que je veux dire. Surtout quand c'est neuf. Mais quand je parle de la psychologie du soupir, je parle de la conscience instantanée du rapport entre l'esprit et l'ego. Le soupir, c'est la relation instantanée entre l'esprit et l'ego, autrement dit, entre l'intelligence et l'ego. Et un homme qui est conscient de son esprit est automatiquement conscient de son esprit, automatiquement conscient du rapport entre son esprit et son ego, et donc automatiquement capable d'ajuster le rapport entre son esprit et son ego, donc automatiquement conscient et capable de prendre conscience de son ego, donc automatiquement capable de prendre conscience de son émotion. Donc automatiquement conscient de sa capacité d'éliminer la souffrance qui n'est créée que par l'émotion dans l'homme. La souffrance n'est pas créée dans le mental, c'est là, créée au niveau émotionnel. Même si vous avez une pensée qui vient du mental, elle bombarde l'émotion, c'est là qu'elle se situe, c'est pas ici la souffrance. Ah. Si je parle de psychologie du souper, je parle de la psychologie, autrement dit, du rapport proportionnel entre l'esprit l'ego, entre l'intelligence et l'ego, entre la partie éthérique de l'homme et la partie matérielle de l'homme. Et un jour, l'homme ne doit être conscient que de sa partie éthérique immatérielle. Autrement dit, l'homme doit être suffisamment conscient pour réaliser qu'il n'est pas dans le corps matériel, qu'il est comme hors en dehors du corps matériel, et que le corps matériel n'est qu'un véhicule extérieur à cette énergie-là. Et à ce moment-là, le souper est totalement sous le contrôle de l'esprit. Il n'est plus sous le contrôle de l'émotion. Et quand le souper est sous le contrôle de l'esprit, l'esprit a simplement à changer le rythme pulmonaire de l'homme pour sortir l'homme de son corps matériel et le rentrer dans l'état. Parce que l'esprit est capable de faire ça. L'esprit est capable de contrôler complètement votre état pulmonaire. Mais pour qu'il puisse contrôler votre état pulmonaire, il faut que vous soyez conscient de votre état pulmonaire. Il faut que vous soyez conscient du mécanisme des soupirs en vous. Ça fait partie de la relation entre l'esprit et l'ego. Puis c'est avec le temps, plus vous fusionnez, que cette relation devient évidente. Puis éventuellement, c'est l'esprit qui run, autrement dit, la partie double de l'homme qui run sur la partie matérielle. Là, à ce moment-là, les pouvoirs de l'homme se manifestent sur la table. Dans l'étude personnelle du souper, il ne faut pas faire attention à ce que je dis. Si vous faites attention à ce que je dis, vous allez développer des attitudes. Là, vous allez débalancer votre mécanisme naturel de souper et de respiration. Autrement dit, la conférence en soi, elle est importante dans ce sens qu'il ne faut pas que vous vous en occupiez. Vous allez en arriver éventuellement à le réaliser par vous-même. Anyway. Et si vous vous en occupez, là, vous allez commencer à courir après votre souffle en enfant de chienne. Vous arrivez. Chaque fois que vous allez soupirer, vous allez avoir une tension. C'est important en soi que vous ne vous occupiez pas de ce que je dis, simplement écoutez. L'homme découvrira que la matière la plus puissante dans l'univers, c'est la pensée. Que la pensée est une énergie qui crée des mondes et qui crée les conditions des mondes inférieurs. Donc, il y a une relation directe entre la pensée et le souper. Et une des raisons pour laquelle les hommes ont des pensées négatives, c'est parce que les hommes soupirent trop. Si les hommes soupiraient moins, respiraient moins, ils auraient moins de pensées négatives. Puis je vais vous faire prendre conscience d'une expérience. Quand vous serez chez vous, là, que vous voudrez arranger vos murs ou travailler autour de la maison, là, remarquez bien ce qui se passe en vous quand vous faites un travail un peu ardu ou votre respiration change. Puis ce qui se passe dans votre tête. Quand tu es à pré-coude, là, tu sais, les femmes, quand tu couds, là, tu fais attention de coude, là, puis tu vas voir qu'il se passe toutes sortes de pensées dans ta tête quand tu cours. Tu veux travailler bien, là, il y a toutes sortes de pensées qui te passent dans ta tête. Y en a-tu qui comprennent ça, qui ont déjà vécu ça? Aussitôt que t'as affaire à faire quelque chose comme du monde dans la vie, là, tu te fais chier. Ça, je veux dire. Et quand t'essaies de bien travailler, là, tu te fais chier. Autrement dit, il y a une relation entre le corps astral, la pensée, et le soupir. Ça, c'est parce que quand vous travaillez, vous n'êtes pas capable de maintenir l'équilibre entre votre soupir, votre activité physique et votre mental. Donc, automatiquement, c'est l'astral qui se fait valoir. Autrement dit, votre intelligence s'astralise. Sinon, vous feriez un travail parfait. Alors, l'affaire du souper, ça va très, très loin dans notre vie. Et plus on se conscientise, plus on en connaît les mécanismes, plus on réalise que, effectivement, dans le souper, sur le plan matériel, est concentré, ou dans son absence, quand je parle du souper, je parle de son absence, est concentré le pouvoir de l'esprit. Moins il y a de soupir dans l'homme, moins l'homme est capable de soupirer, plus il y a d'esprit dans l'homme. Plus l'homme soupire, plus soupirer, plus il y a possibilité d'erreur dans l'homme. Moins il y a d'esprit dans l'homme, plus il y a d'ego dans l'homme, plus il y a d'émotion dans l'homme. Parce que le soupir, c'est la condition qui fait que l'homme est dominé par les événements de vie intérieurs ou extérieurs. C'est ce qui. Pardon? Il est sur une tension. Une tension permanente, souvent par rapport à la surface, mais elle est là. Autrement dit, quand tu veux toujours bien faire, c'est là que tu payes l'attention. Quand tu veux toujours bien faire, c'est là que tu crées une situation qui t'amène à réaliser que tu n'as pas aussi bien fait que tu pensais. Quand je vous disais dans les séminaires, un jour, vous comprendrez que votre vie, ce n'est pas de vos affaires. Je disais qu'un jour, vous comprendrez que le seul temps où votre vie est totalement équilibrée, c'est quand vous ne pouvez plus soupirer pour rien. Là, à ce moment-là, votre vie, elle est la manifestation des affaires de votre esprit à travers votre personnalité. Donc, il y a un équilibre entre le haut et le bas. Il n'y a plus de réflexion. In the meantime, avant ça, votre vie, c'est de vos affaires, donc vous soupirez. Donc, vous créez une plus forte proportion d'énergie astrale en vous que d'énergie mentale en vous. Donc, vous n'êtes pas heureux dans le sens d'être bien dans sa peau tout le temps. Vous ne pouvez pas. C'est impossible. Parce qu'il y a une relation directe entre le soupir et la manifestation dans le corps matériel des forces de vie. Autrement dit, des forces d'intelligence. Et comme les forces de vie et les forces d'intelligence sont ce qu'il y a de plus puissant, de plus présent dans l'homme, le soupir est inversement proportionnel à ces forces-là. Et le soupir, ça nous suit dans la vie comme une ombre. Vous pouvez l'enfiler de sa plage, vous êtes en vacances 2 semaines, il va vous passer une pensée, il faut que tu retournes au bureau dans 2 semaines, tu vas soupirer. C'est pour ça que je vous dis de ne pas vous occuper de ce que je vous dis pour ne pas soupirer pour rien. C'est avec les changements vibratoires du corps mental, du corps astral, que vous allez prendre conscience de ça. Ça fait partie de la mutation. Ça fait partie du travail de l'intelligence sur les corps inférieurs. Et le travail le plus manifeste de l'intelligence ou de l'esprit sur les corps inférieurs, c'est la période dans votre vie où vous trouvez ça plat. Fait que ceux qui sont rendus à ce stage-là, comme elle qui me disait à soir, là, c'est plat, tant mieux. Puis si c'est plat, il n'y a qu'une chose à faire, laissez-les faire. Mais quand c'est plat, c'est dur pour nous autres de laisser faire. Parce qu'on veut toujours améliorer notre vie.